PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue à la Radio Pokajou International. Je suis Melissa Suarez del Real Prete pour continuer avec cette série d'émissions sur les dieux du panthéon pokajoutien. Selon le mythe décrit dans le Punahe, Punah, la déesse créatrice, a vomi les étoiles qu'elle avait mangées et elle a créé la Voie lactée comme ça. Mais quelques temps plus tard, elle a accouché à Kalamalaka. Les frères Siamois, créateurs du bruit et de la musique, fils de Klikan, le dieu du temps. Mais selon le récit du Punahe, Punah est tombée amoureuse de Fukupa, le dieu du feu, quand il lui a offert des étincelles. Et c'était justement après se brûler avec une étincelle sacrée qu'il est devenu un son de Plikaplaka, le dieu des machines. Aujourd'hui, on va dédier notre émission à cette divinité, devenue le patron des ingénieurs à Pokajou, mais aussi une figure incontournable quand on parle du développement technique de la musique pokajoutienne. On va commencer avec un petit hommage que le célèbre Raymond Scott a fait pour Plikaplaka, bien sûr, à travers des innovations technologiques qui étaient disponibles à l'époque. Radio Pokajou International est diffusée à Toulouse à travers de Radio Campus 94 FM. Voici Portofino, une chanson dédiée à la ville où les principaux temples dédiés à Plikaplaka est bâti. Selon les voisins de Portofino, Raymond Scott est arrivé là depuis l'Amérique pour trouver l'inspiration et pour se rendre au célèbre temple perché de Plikaplaka. C'était là en fait qu'il a pu finalement concevoir son synthétiseur, le Clavivox, pendant le début des années 50. Ce temple, le plus important monument de la ville, est composé de plusieurs chambres mobiles rassemblées par un énorme fil métallique. Donc, il est possible de bouger chacune des chambres et de donner au temple une forme différente selon les différents besoins des dévots. C'est l'un des premiers exemples d'architecture éphémère du monde, même si le temple a dû être rénové plusieurs fois. Mais en fait, le temple n'est qu'une extension du corps de Plikaplaka, les dieux de machines, qui est représenté dans chaque région d'une façon différente. Parce que c'est un dieu dont le corps est créé à partir de plusieurs machines ou dispositifs simples, tels que le levier, des poulies, des coins, des plans inclinés ou des engrenages. Par contre, les images les plus anciennes qu'on a pu trouver de cette divinité, justement à Portofino, est une image anthropomorphique avec une tête d'engrenage, des jambes en forme de levier et des genoux en forme de poulie. Anciennement, en fait, on utilisait les images de plica placa comme un dispositif pour obtenir de l'eau du sous-sol. Voici une chanson inspirée de cette image. Ce s'appelle Underground de Tom Waits. Coca-Cola, la boisson la plus rafraîchissante du Pocahontas, fabriquée localement avec la noix de coco, cannelle moulue et vanille fraîche. Disponible chez votre épicier Pocahontas le plus proche. Un morceau inspiré de Plica Placa et de l'utilisation de son image, même si elle est sacrée pour les Pocahontas, pour obtenir de l'eau fraîche du sous-sol. C'était Underground du Tom Waits. Selon le mythe recueilli dans le Puneje, le livre sacré des anciens Pocahontas, Plica Placa ne pouvait pas bouger. Et sa mère, Punaj, ne pouvait pas lui allaiter ou prendre en bras parce que, étant le fils de Fucupa, les dieux du feu, il était un bébé brûlant. Alors Plica Placa a dû apprendre à utiliser les matériaux qui lui entouraient pour créer de petites machines qui lui aidaient à se déplacer d'abord et à mesure qu'il a grandi, à obtenir tout ce qu'il voulait. Il est considéré le dieu qui insuffle l'âme aux humains et qui le rend intelligent. Mais aussi, puisqu'il est considéré comme capable de tout faire grâce à l'assemblage de machines, on pense qu'il est aussi une divinité capricieuse, qui tourne en colère très rapidement s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Sa rage, selon la croyance populaire, fait casser les choses, les machines et les appareils dans le moment le moins opportun. Pour lui contenter, on lui offre de petits bonhommes articulés, faits toujours à la main. On lui offre aussi des petits bonhommes avec des fonctions pratiques, telles que verseurs de vent automatiques ou boîtes à musique, spécialement si on veut lui demander l'inspiration pour créer ou dessiner quelque chose. Puisque, selon les Pocahontas, il aime bien les jouets musicaux et les appareils de communication, on va vous laisser avec ce morceau qui semble fait exprès pour Plica Placa. Ce s'appelle Golden Phone de Mikachu. Je suis Melissa Suarez del Real et je vous remercie de nous avoir accompagnés. À la prochaine. L'ambassade des Pocahontas en France et le ministère de Culture de Pocahontas présentent Radio Pocahontas International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pocahontas. Programme diffusé depuis Jucapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal.